Suite Patrick Penaud avec ses rendez-vous avec X. Nous étions à peine installés que M. X m'a posé cette question. Avez-vous regardé la télévision mardi soir de la semaine passée ? Je réfléchis, non, ce soir-là, je n'avais pas regardé la télévision. Puis, autant vous l'avouer, je n'imaginais pas mon étrange interlocuteur regardant tranquillement la télévision comme n'importe quel citoyen ordinaire. J'avais donc tort. Et branchant mon magnétophone, je lui ai demandé ce qui, apparemment, l'avait tant frappé sur le petit écran. Écoutez. J'ai regardé un film épatant. L'histoire d'un type courageux, le commandant du camp des Milles. Attendez, les Milles, je crois que c'était un camp de concentration, hein, c'est ça? Oui, un camp de concentration français qui était situé près d'Aix-en-Provence. Un camp où, à la déclaration de guerre, on avait enfermé quelques 2000 Allemands. Tous des antinazis proclamés, et qui avaient réussi à fuir l'Allemagne avant d'être arrêtés et enfermés dans un camp. Et parmi eux, il y avait essentiellement des intellectuels éminents, des écrivains, des artistes comme Max Ernst, par exemple. Donc, des types qui avaient tout à craindre d'une victoire des Allemands. Hein, bien sûr. Et cet homme, le commandant des Milles, chapelier dans le civil, contrairement à ses chefs qui ne voulaient rien savoir, a compris tout de suite le danger que couraient ses hommes. Mmh. Et il a pris sur lui de libérer une partie de ses détenus avant même la signature de l'armistice. Et il a eu raison, puisqu'une clause particulièrement scandaleuse de la Convention, qui était signée dans la carrière de Rétonde, prévoyait que les nationaux allemands seraient remis aux nazis. Donc ce chapelier, là, ce capitaine, a sauvé ses hommes. Tout à fait, oui. Mmh. Et vous imaginez bien qu'il n'en a été nullement récompensé, bien au contraire. C'était pourtant un des rares officiers de 1940 qui a réellement fait honneur à son pays. Oui, mais d'accord, mais pourquoi vous me racontez tout ça, là ? Parce que ce film m'a remis en mémoire la figure d'un homme extraordinaire, injuste. Un homme qui, lui aussi, a été injustement oublié. Et comment s'appelait-il ? Varian Fry. Et certains, non sans raison, l'ont appelé le Schindler des artistes, en référence à cet industriel allemand qui a sauvé des centaines de ses ouvriers juifs. Ouais, et qui a été mis en scène récemment par Spielberg, hein, c'est ça. Ouais. Et ce Fry, là, vous l'avez connu, vous ? Oui, j'ai eu ce privilège. C'était en 1940, à Marseille. Et je peux témoigner que Fry a été un homme admirable. Après avoir enregistré ce nouvel entretien avec M. X, j'ai d'abord compulsé les programmes de télévision de la semaine passée. Le film évoqué par mon interlocuteur s'intitule « Les Milles, le train de la liberté » et il a été réalisé par Sébastien Graal en 1995. J'ai recherché aussi dans la convention d'armistice signée en juin 1940 entre la France défaite et l'Allemagne triomphante cette clause concernant les nationaux allemands. Il s'agit de l'article 19, un article qui stipulait en effet que le gouvernement français s'engageait à livrer sur demande tous les Allemands désignés par les autorités d'occupation, qu'ils habitent sur le territoire français proprement dit, ou dans les possessions françaises, colonies, protectorats et mandats. C'est-à-dire que d'un trait de plume, les représentants du gouvernement français faisaient fi du droit d'asile. Je me suis ensuite intéressé à ce Varian Fry, dont M. X m'a longuement parlé. Et effectivement, ce juste reconnu comme tel par les Israéliens, c'est-à-dire un homme qui a contribué à sauver le peuple juif, n'a guère été honoré par ses contemporains, car j'ai eu beaucoup de mal à trouver des documents qui rendent justice à son action humanitaire. Voici quand même les rares informations que j'ai trouvées. Fry a 32 ans lorsqu'il arrive en France. Formé à Harvard, c'est un professeur, fils d'un riche financier protestant de la côte est des États-Unis. En 1935, il a effectué un voyage en Allemagne, et là-bas, il se trouve qu'il a assisté à un pogrom. Cette manifestation antisémite des soudards nazis va le marquer sa vie durant. Et c'est sans doute là qu'il faut trouver l'origine de l'action qu'il va mener courageusement pendant plus d'un an en France, après la terrible défaite de 1940. Dans un instant, le récit de M. X. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Curieusement, c'est d'abord aux États-Unis, dans les milieux intellectuels, qu'on a pris conscience que les émigrés allemands en France allaient être pris au piège en cas de victoire des nazis. Et vous avez une explication pour ça ? Je ne sais pas. Peut-être que nos intellectuels, dans le désarroi de la défaite, n'ont pas vu clair. Ou n'ont pas voulu voir clair. Et pourtant, fin juin 40, il y en avait des raisons d'avoir peur. Expliquez-moi. Là. En dehors de cette ignominieuse clause d'armistice dont je vous ai déjà parlé, il était clair que le gouvernement de Vichy allait s'aligner purement et simplement sur les régimes amis. Ouais. Vous voulez dire les régimes fascistes? Bien sûr. Ouais. Bah, je vous ai déjà dit, je crois que c'était au cours de notre première rencontre que le maréchal Pétain n'était pas arrivé au pouvoir par hasard. Depuis des mois, des années, ses amis avaient préparé dans l'ombre la chute de la République, avec la complicité des nazis allemands et des fascistes italiens. Donc, il était, à mon avis, prévisible que Vichy, par solidarité avec ses régimes amis, adopterait en particulier les mêmes mesures d'exclusion. Les mesures d'exclusion, d'abord contre les Juifs. Oui, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler une fois de plus que Vichy a précédé l'Ennemande allemande. C'était donc à la mi-juillet 1940, c'est-à-dire 3 semaines après l'armistice, que la première loi antisémite a été promulguée. Ils sont quand même diablement pressés. Hein. Donc, ce sont les intellectuels américains, justement alertés, qui s'émeuvent. Et certains d'entre eux créent à New York un comité d'aide d'urgence. Un comité pour faire quoi exactement? Pour intervenir directement en France et agir avant que Vichy n'accède aux demandes des Allemands. Les Allemands qui voulaient donc qu'on leur livre ces antinazis. Oui. Et heureusement, les listes n'étaient pas encore établies. Il faut dire que les services allemands avaient eu fort à faire dans d'autres domaines depuis la fin de la drôle de guerre. Donc c'était une sorte de course contre la montre qu'il fallait engager. Évidemment, parce qu'il était clair que certains fidèles de Vichy étaient tout prêts à donner un coup de main à l'envahisseur. Oui, mais alors pour cette action-là des intellectuels américains, il fallait des moyens. Et d'abord, le nerf de la guerre, l'argent, effectivement. Mais il y avait aussi autre chose. C'était bien beau d'aider tous ces émigrés à fuir le territoire français clandestinement, s'il le fallait, mais encore devait-on leur trouver une terre d'accueil. Et là, les créateurs du comité ont trouvé une aide de poids, celle de la propre épouse du président des États-Unis. La femme de Roosevelt. Oui, Eleanor. Elle a obtenu de son époux un contingent de 200 visas d'entrée aux États-Unis. Seulement 200? C'était quand même un début, non? Un début prometteur, puisqu'en réalité, les autorités américaines ne tenaient pas vraiment à aider tous ces réfugiés allemands. Ah bon, pour quelle raison? Les États-Unis, vous ne l'ignorez pas, ont mené une politique très attentiste au début de la guerre. Oui, c'est-à-dire que, on le sait, ils ménageaient à la fois Hitler et puis surtout Vichy. Oui, Vichy qui était pour eux le gouvernement légitime de la France. Et puis leur ambassadeur n'avait nulle envie d'avoir des problèmes avec le maréchal. Par conséquent, les diplomates américains en poste en France ne voulaient pas qu'on leur crée des difficultés avec ces histoires d'émigrés allemands anti-nazis. Et qui étaient en outre souvent juifs. Bon, écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais. D'accord, mais quand même, la mission de votre comité de secours là, se présentait pas sous les meilleurs auspices. Non, hein. C'est vrai, mais heureusement, il y avait Varian Fry. Bah, il est peut-être maintenant temps de parler de lui. Exactement. C'est un prof de latin. Un prof, un type que rien ne destinait à accomplir ce qu'il a accompli. C'est vrai, c'était un grand type, toujours tiré à 4 épingles, un pur intellectuel, un peu naïf même, une sorte de James Stewart, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, en tout cas, pas du tout le profil d'un homme qui va devoir agir clandestinement. Ah non alors, et pourtant ce qu'il a fait, peu de très bons agents de renseignement auraient été capables de le faire. Ouais. Mais est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il a été choisi, lui, comme... comment dirais-je, comme agent secret humanitaire, en quelque sorte. Agent secret humanitaire, c'est à peu près ça, en effet. Alors, pourquoi l'a-t-on choisi? Bon, d'abord, parce qu'il fallait un volontaire. Et puis, lui, il était volontaire, et peut-être que ses amis ont jugé qu'en raison même de son aspect candide et inoffensif, il serait peut-être plus efficace que n'importe qui d'autre. Ouais, pas idiot, en effet. Hein. Puis ça, je le sais, parce que j'ai rencontré Fry. Je peux vous dire que ce type cachait bien son jeu. En fait, sous cette apparence d'intellectuel un peu dans la lune, il avait des nerfs solides et une volonté à toute épreuve. Si vous me racontiez justement les circonstances de votre rencontre... Oui, comme il vous plaira. Mais il se trouve que pendant la période de l'occupation, il m'a parfois fallu fréquenter les milieux vichysois. Je pensais pourtant que vous étiez farouchement opposé au régime de Pétain. Naturellement, mais ce n'est nullement contradictoire. Si j'ai souvent approché les gens de Vichy, c'était sur ordre. Pour faire du renseignement? Bien sûr. Ouais. Profit de Londres. Ah, c'est plus fort que vous. Hein. Il vous faut toujours essayer de savoir. Mais je vous ai dit une fois pour toutes que vous ne saurez rien de ma carrière. Rien, en tout cas, qui permettrait de m'identifier. Ouais, bon, d'accord. Alors, je vous ai rien demandé. Hein. Donc, je poursuis. Dans le cadre de mes contacts avec l'administration de Vichy, il se trouve que j'ai suivi un voyage en province du maréchal Pétain. Et où? À Marseille, justement, là où Varian Fry s'était installé. Mais je vous raconterai tout à l'heure dans quelles conditions. Donc, Pétain, qui adorait se faire applaudir, va débarquer à Marseille à la fin du mois de novembre 1940. Aussitôt, les autorités locales se débarrassent de tous les gêneurs. C'est-à-dire? Eh bien, tous ceux qu'on suspecte de pouvoir troubler leur public à l'occasion de la visite du maréchal sont internés sans autre forme de procès. Internés? Oui, on les arrête ou on les parque où on peut, sur des bateaux, dans des cinémas réquisitionnés ou encore des casernes. Et ils sont nombreux, ces gens-là? Plusieurs milliers. Et imaginez que parmi ces types, il y a des gens extrêmement dangereux, comme André Breton ou Victor Serge. C'est une plaisanterie, ça. On n'avait pas beaucoup le sens de l'humour à Vichy. Vous savez, des types capables d'écrire de la littérature dégénérée et subversive étaient forcément dangereux et infréquentables. Et le regard bleu horizon de Pétain ne pouvait décemment pas risquer de croiser ses regards détestables et cosmopolites. Ouais, ouais, d'accord. Mais Frey. Frey, en tant que protecteur de tous ces artistes dégénérés et souvent étrangers, était lui aussi un suspect en puissance, même si les autorités ne connaissaient pas exactement l'étendue de son action. Et alors, lui aussi, il a été mis à l'écart. Oui, c'est ainsi que j'ai entendu parler de lui pour la première fois et que j'ai pris discrètement contact avec lui. Dans les souvenirs du directeur de cabinet du maréchal Pétain, Henri Dumoulin de la Bartette, paru après-guerre sous le titre « Le temps des illusions », j'ai trouvé une courte relation de ce voyage à Marseille. Une relation qui témoigne du climat qui régnait dans l'entourage du maréchal et qui indique que dans les sphères du pouvoir, on aurait souhaité voir beaucoup plus d'hommes internés le temps de cette auguste visite. Je cite l'ancien directeur de cabinet. Appelé à inaugurer un nouveau môle, le chef de l'État se frayait avec peine un passage au travers d'un terrain vague où toute la lie du port semblait s'être donné rendez-vous. Marlou, proxénètes, escarpes, bicots épileptiques, débardeurs rongés de petites véroles, un vrai décor à la Carco. D'autre part, dans l'histoire de Vichy de Robert Aron, paru chez Fayard, j'ai relevé quelques éléments d'information sur l'attitude du gouvernement de Vichy à l'égard des Allemands qui avaient trouvé refuge en France. Le 27 juillet 1940, le gouvernement autorise une commission de contrôle allemande à visiter le camp de réfugiés de Vernet, dans l'Ariège, et à réclamer la liste des Allemands qui y sont internés depuis le début de la guerre. Il y a là en particulier un séparatiste rhénan et trois autres réfugiés agents du 2e bureau français. Les nazis exigent leur livraison immédiate. Le général François, commandant la région, demande à Vichy si l'on ne prendra pas des mesures spéciales en faveur de ces Allemands francophiles. Vichy télégraphie d'appliquer strictement l'article 19 de la clause d'armistice. Heureusement, le commandant du camp prend sur lui de désobéir et fait évader les détenus, exactement comme l'a fait avant lui le commandant du camp des Milles. Autre exemple, toujours trouvé dans Robert Aron. Un mois plus tard, le 27 août, 50 ressortissants allemands, anciens soldats de la Légion étrangère, sont livrés aux nazis. Un mois plus tard, 40 de leurs camarades les suivront. Plus grave encore, d'importantes personnalités allemandes, anciens députés, hommes politiques ou industriels, seront empêchés de partir aux États-Unis sans même que Berlin les ait réclamés. Tous tomberont tôt ou tard aux mains des nazis. Est-ce que je dois comprendre que vous avez aidé Frey ? J'aime pas beaucoup me vanter, mais je pense avoir contribué au moins à aider son action. Ah, de quelle façon ? Bien, en usant discrètement de mon influence. Après tout, dans les bureaux de Vichy, il n'y avait pas que des collaborateurs. On trouvait aussi d'authentiques résistants qui informaient directement Londres. Ouais, comme vous, quoi. Pas de commentaires. Je crois qu'une fois plus, vous ne tenez pas à en dire plus, hein ? Je peux quand même ajouter que je n'ai jamais manqué une occasion de faire profiter des gens en danger de l'organisation clandestine mise en place par Varian Fay. Justement, alors, parlez-moi de cette organisation. Au début, lorsqu'il arrive en France, en août 1940, Frey ne dispose pas de beaucoup de moyens. Il a quelques milliers de dollars en poche, une bicyclette pour se déplacer et une formidable envie de sauver les gens, mais c'est tout. Il y a quand même les visas octroyés grâce à l'intervention de Mme Roosevelt. Oui, oui, mais enfin, avouez que c'est quand même peu de choses. Il faut bien comprendre que quitter la France pour tous ces réfugiés, c'était un véritable chemin de croix. Expliquez pourquoi. Il leur fallait d'abord détenir un passeport en règle. Oui. Un visa du pays d'accueil envisagé, un autre visa de sortie de France et un troisième visa de transit s'ils avaient un autre pays à traverser. Pas simple en effet. Ouais. C'est seulement après avoir obtenu tous ces papiers que le réfugié pouvait enfin s'occuper de trouver un titre de transport. Et titre de transport sur un bateau ? Ouais, essentiellement, oui. Un bateau à destination du Maroc ou des Antilles. Mais là encore, c'était la croix et la bannière car les places étaient rares. Et ce qui arrivait souvent, c'est que le jour où enfin le candidat au départ était sur le point de trouver un billet, eh bien, ses visas venaient à expiration et il lui fallait tout recommencer depuis le début. Bon, vous imaginez dans quel climat ? Dans quel climat, c'est-à-dire ? Eh bien, tous ces gens, allemands ou juifs, ou les deux à la fois, vivaient dans une peur perpétuelle de se faire rafler. Par les autorités françaises. Oui, oui, oui. Et ça signifiait automatiquement l'internement dans un camp de réfugiés et la possibilité d'être livré aux nazis. À cause de cette déshonorante clause d'armistice dont nous avons déjà exactement, parlé. Exactement. Oui. Puis Marseille, parce que c'était à Marseille que Fay avait tout de suite choisi de s'installer, était une ville réellement dangereuse. Ah bon, pourquoi ? Avant la guerre, la ville était socialiste, une ville rouge, comme on disait à l'époque. Mais dès son installation, le nouveau pouvoir avait débarqué la municipalité et mis en place des fascistes affiliés au parti de Doriot. Et l'homme fort de la nouvelle administration, c'était un truand, un gangster du nom de Sabiani, un type qui, avec sa bande, menait la vie dure à tous les réfugiés de la ville, en particulier les juifs. Donc c'était quand même extrêmement dangereux pour Fray. Oui, oui, très dangereux. Il fallait être sans cesse sur ses gardes. Mais j'ajoute qu'au tout début, Fray a profité très intelligemment de la désorganisation de l'administration. Il faut en effet savoir que les consulats marseillais des pays annexés par les Allemands sont restés ouverts quelques mois après juin 1940. Ouais. Les pays annexés, c'est-à-dire bon, les consulats polonais, tchèques... Et aussi lituaniens. Ah, oui. Et les consuls ont généreusement fourni des visas à Fray, jusqu'au moment vers octobre, je crois, où ils ont été arrêtés par Vichy. Mais pendant ces premiers mois, ça a permis à l'organisation de Fray de faire passer de nombreux réfugiés à travers l'Espagne jusqu'à Lisbonne, où là, ils ont enfin pu embarquer pour les États-Unis. C'est par exemple Fray lui-même qui a réussi à faire franchir la frontière espagnole aux frères de Thomas Mann, Heinrich. Et l'argent ? Parce que j'imagine que les quelques milliers de dollars que Fray possédait à son arrivée en France... pas dû durer très longtemps. Hein. C'est juste d'autant qu'il fallait prendre en charge ces réfugiés en attendant leur départ, c'est-à-dire les loger, leur donner à manger. Mais Fray, qui était décidément très débrouillard, a trouvé quelques généreux mécènes. Et par exemple ? La célèbre collectionneuse de tableaux, Peggy Guggenheim. Ah oui. Et une autre milliardaire américaine dont j'ai oublié le nom, enfin peu importe. Autre chose, j'imagine que Fray n'était pas seul. Non. Il a rapidement constitué une petite équipe autour de lui. Le plus intéressant était, sans nul doute, un Français, un certain Daniel Benedit. Et pourquoi le plus intéressant ? Parce que cet homme, qui avait été un militant d'extrême-gauche, avait aussi occupé, avant la débâcle, un poste de secrétaire à la préfecture de police de Paris. En effet, c'est original, ça. Oui, et Benedit, qui connaissait parfaitement les arcanes de l'administration et de la police française, a rendu d'inestimables services à Fray. Mais il y avait aussi un jeune militant social-démocrate allemand qui se faisait appeler Hermann, et également une secrétaire, Lena, puis un noble autrichien, un certain von Hildebrand, qui avait le privilège de posséder un passeport suisse, et encore bien d'autres personnes, passeurs, faussaires, etc. Enfin, une véritable organisation. Les faussaires, pour fabriquer de faux papiers, j'imagine. Évidemment. Ouais. Quand la source des consulats des pays annexés était tarie, il a bien fallu s'organiser et commencer à fabriquer des faux passeports et des faux visas. Mais attendez, toute cette organisation-là n'attirait pas l'attention de la police française ? Bien sûr que si. Et il faut bien dire que tous les policiers qui, un jour ou l'autre, se sont intéressés aux activités de Fray n'ont pas réagi avec le même zèle. Ça veut dire quoi ? Bon, qu'il s'est trouvé parmi eux des types qui ont préféré fermer les yeux, parce qu'ils étaient franchement anti-nazis. D'autres encore ont accepté de se faire graisser la patte pour ne pas se montrer trop curieux. Puis n'oubliez pas qu'officiellement, Fray était censé diriger une organisation caritative d'aide matérielle aux réfugiés. Ce qui n'était pas, au fond, très éloigné de la vérité. Oui, oui, sauf qu'en réalité, comme je vous l'ai expliqué, la véritable mission de Fray, c'était de permettre à ces réfugiés de quitter notre pays en toute illégalité, bien sûr. Donc cette organisation caritative-là, c'était une couverture, comme vous dites, dans les services secrets. Oui, mais une couverture fragile. Parce que certains des clients de Fray, si vous me permettez cette expression, devaient absolument être cachés. Parce qu'ils étaient recherchés par la police ? Oui, ou encore parce qu'ils étaient un peu trop voyants. Mais pourquoi ? Bah, je pense en particulier aux artistes, aux intellectuels connus. Et c'est là que l'organisation Fray a fait une nouvelle fois preuve d'une folle imagination. Un article de Courrier International de juillet 1997 a été consacré à la mission de Varian Fray, au travers du témoignage d'un de ses anciens agents, Charles Fawcett, un ex-lutteur. Je lis l'extrait suivant. Le bureau de Fray, officiellement une organisation caritative destinée à aider les réfugiés fuyant la guerre, était déjà pris d'assaut par les demandeurs. Quand il entendit que Fawcett était lutteur, Fray déclara « On a besoin de quelqu'un au cas où il y aurait des problèmes ». Fawcett se retrouva alors à jouer les contacts entre le bureau et les réfugiés les plus importants qui se cachaient dans des maisons sûres. De temps à autre, il menait des groupes de réfugiés jusqu'à la liberté, en traversant les montagnes ou en passant par la mer pour monter à bord d'un cargo dont le capitaine avait été soudoyé. Une de ses premières missions fut de porter un message à un homme qui attendait dans un café obscur dans le Vieux-Port. l'homme n'était autre qu'André Breton, mais Fossette ne comprit que plus tard qui étaient ceux avec lesquels il traitait, puisque tous utilisaient de fausses identités. Mais on va reparler très vite d'André Breton avec Monsieur X. Alors qu'a imaginé Fry? Avec ce Bénédicte dont je vous ai parlé, il a pensé louer une grande maison pour loger tous ses hôtes indésirables, surtout les artistes. Ainsi que, hasard de la guerre ou pas, qu'il a été amené à créer une sorte de phalanstère d'artistes à quelques kilomètres de la Canebière, dans une vaste propriété qui portait le joli nom de Villa Herbel. Un phalanstère. Oui, un endroit tout à fait étonnant où, peu à peu, la fine fleur des surréalistes s'est retrouvée avant le grand départ. Et qui ? André Breton, par exemple, mais aussi Max Ernst, Victor Bronner, Hans Bellmer, André Masson, et aussi des écrivains comme Benjamin Perret, Tristan Tzara, Arthur Adamov ou encore Victor Serge, l'ancien compagnon de Trotsky, arraché aux geôles de Staline, et j'en passe. Mais tous n'étaient pas des réfugiés. C'est vrai, mais tous, juifs ou pas, allemands ou pas, se sentaient menacés par le nouveau régime et voulaient absolument passer en Amérique. Et vous êtes allé dans cette ville-là, la Herbel, c'est ça? Oui. Un endroit étonnant, j'y suis passé une fois, à l'invitation de Fry, bien sûr. Et racontez. Eh bien, les artistes, malgré la guerre, malgré le danger, restent des artistes. Et ils peignaient, ils inventaient des jeux, ils créaient des pièces de théâtre. Une ambiance absolument extraordinaire. Et un peu curieuse en temps de guerre. Oui, hein. Tout à fait surréaliste, oui. Enfin, la menace qui pesait sur tous ces intellectuels exacerbait peut-être leur sens créatif. Enfin, l'important n'était pas là. Tous ces artistes donnaient le change, et les autorités pouvaient difficilement soupçonner que cette fiévreuse activité intellectuelle dissimulait en réalité une bien réelle filière d'évasion. Et tout se passait bien à l'intérieur de cette grande maisonnée ? Étonnamment bien, oui, malgré le caractère un peu impétueux ou dominateur de quelques-uns. Ah, André Breton. Par exemple, oui. Et Fry réussira à faire partir tous les pensionnaires de cette ville-là ? Pratiquement tous, oui. Dans des conditions souvent rocambolesques, et à bord de rafiots où l'on entassait les gens comme du bétail. Mais l'essentiel était de partir. Et en général, quelle était la destination ? La Martinique. Et là, leurs difficultés n'étaient pas terminées pour autant. Oui, j'imagine, parce que l'île était territoire français. Et sous la férule de Vichy. Alors à leur arrivée, tous ces réfugiés étaient traités comme des moins que rien et aussitôt internés. Une jolie réception. Hein. J'ajoute qu'on leur faisait aussi payer leur hébergement. Enfin, ils étaient loin, loin des nazis en tous les cas. Et avec un peu de patience, ils pouvaient espérer gagner Saint-Domingue, puis les États-Unis. C'est ce qu'ont fait la plupart d'entre eux. Et Fry a pu agir ainsi pendant combien de temps ? Un peu plus d'un an. 13 mois après l'arrivée de Fry à Marseille, l'administration de Vichy s'est décidée à agir et à sévir. Et comment ? Si mes souvenirs sont exacts, au beau milieu de l'été 41, un certain Rodelec du Porzic, un capitaine, convoque Fry et l'accuse d'avoir protégé les juifs et les anti-nazis. Oui. Alors, conséquence ? C'est l'expulsion immédiate et le refoulement de Fry en tant qu'étranger indésirable. Bon, il faut malheureusement ajouter que les représentants américains à Marseille n'ont absolument rien fait pour aider Fry. Bien au contraire. Comprenez, ils étaient enfin débarrassés de ce gêneur qui ne cessait d'embrouiller leur rapport avec l'administration vichysoise. C'est donc ce départ forcé, c'est donc l'échec de la mission de Fry. Ah, non. D'une part, parce que malgré le départ de Fry, son œuvre a continué quelque temps, grâce en particulier à l'infatigable Bénédicte. Mais surtout, d'autre part, parce que lorsqu'on examine a posteriori la mission de Fry, elle est largement positive. Ouais, eu égard au nombre de réfugiés qu'il a réussi à faire partir ? Tout à fait. Après-guerre, on a estimé que l'organisation de Fry avait permis à plus de 2500 personnes de fuir. C'est considérable. Songez que c'est grâce à lui que des personnalités aussi importantes que Marcel Duchamp, Marc Chagall, le prix Nobel, Otto Meyerhoff, entre autres, ont pu gagner l'Amérique. Et il ne fait aujourd'hui nul doute que ces personnalités ont enrichi les États-Unis. Enfin, du point de vue culturel, j'entends. Et cela toujours grâce à Fry, l'indomptable Fry. Pourtant, vous m'avez laissé entendre qu'on n'avait pas reconnu comme tel son œuvre. Enfin, c'est vrai, Fry, c'est vrai. Ben, que voulez-vous, Fry avait peut-être eu raison trop tôt. Au fond, ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir vu clair, d'avoir compris très vite la réalité de la menace totalitaire et des crimes nazis. Songez, mais cela, je l'ai appris longtemps après, que dès son retour aux États-Unis en 1942, il a publié un ouvrage sur le massacre des Juifs. C'est bien là la preuve qu'on savait ce qui se passait en Allemagne. Et cela réduit complètement à néant les proclamations de ces dignitaires de l'État français qui prétendent ne pas connaître le sort, enfin qui prétendaient à l'époque ne pas connaître le sort qui était réservé aux Juifs. Sur les conditions dans lesquelles ces femmes et ces hommes ont embarqué pour fuir les nazis, grâce à Fry pour la plupart d'entre eux, j'ai trouvé un témoignage intéressant, celui du grand ethnologue Claude Lévi-Strauss. Dans son célèbre livre, Triste Tropique, il écrit « Finalement, j'obtins mon billet de passage sur le capitaine Paul Lemerle. Mais je ne commençais à comprendre que le jour de l'embarquement, en franchissant les haies de gardes mobiles casqués et mitraillettes au poing, qui encadraient le quai et coupaient les passagers de tout contact avec les parents ou amis venus les accompagner, abrégeant les adieux par des bourrades et des injures. Il s'agissait bien d'aventures solitaires, c'était plutôt un départ de forçat. Plus encore que la manière dont on nous traitait, notre nombre me frappait de stupeur, car on entassait 350 personnes environ sur un petit vapeur qui ne comportait que deux cabines, faisant en tout 7 couchettes. Plus loin, Lévi-Strauss écrit encore « La racaille », comme disaient les gendarmes, comprenait entre autres André Breton et Victor Serge. André Breton, fort mal à l'aise sur cette galère, déambulait de long en large sur les rares espaces libres du pont. Vêtu de peluche, il ressemblait à un ours bleu. Dans le numéro de Courrier International que j'ai déjà cité, je lis encore « De retour aux États-Unis, Fry critique la politique d'immigration américaine, ce qui lui valut de sérieux ennuis. Le FBI ouvrit un dossier le concernant, ce qui empêcha cet universitaire hautement qualifié de trouver un emploi correct. Mais en 1960, le gouvernement français le décora de la Légion d'honneur. Il mourut en 67 à l'âge de 59 ans, divorcé, amer. Ce n'est qu'après sa mort que les États-Unis, finalement, prirent conscience de ce qu'il avait fait et lui attribuèrent la médaille Eisenhower de la libération. À samedi prochain sur France Inter. Merci à Patrick Pénaud. Autre plaisir de le retrouver samedi prochain. Sachez que vous pourrez également le lire puisque Mémoire secrète de Monsieur X, coédité par De Noël et France Inter, sera disponible dans les librairies le 27 juin. Vous savez tout.